Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marché, c'est un contour de l'exo. R.I.G. 90.7. Et quand je dis tout le monde, je veux dire tout le monde, puisque par exemple, Rita nous écoute depuis Rio de Janeiro. Bonsoir Rita, merci d'être ici à l'écoute. Je ne suis pas sûr que tu comprennes bien le français, mais on pense à toi. Et puis, il y a aussi une autre Rita à Londres, on en parlera tout à l'heure. Il y a aussi vous qui nous écoutez sur 90.7 à Bordeaux, parce que les premiers servis, quand même, ce sont les Bordelais. Et il y a tous ceux qui écoutent en France, en Belgique, en Suisse et ailleurs dans le monde, même au Japon, je me souviens, je ne me rappelle plus du nom du gars, mais il écoutait à 2h du matin. Il faut être quand même complètement fan de la saga pour écouter une émission à 2h du matin, mais bon, pourquoi pas. Et on s'exprime en anglais parce que mon japonais est assez limité quand même, hein, il faut l'avouer. Et donc, eh bien, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est la deuxième émission de la rentrée, et c'est la saga numéro 518. Nous sommes le 12 janvier 2022, et c'est un 100% live Fab Four. On imagine qu'ils sont tous vivants et qu'ils viennent ici à Bordeaux, parce que pourquoi pas. Et je suis dans le stade et je vais vous présenter au fur et à mesure, parce que je suis censé ne pas connaître la liste des chansons. Les chansons qui passent donc et qui nous ont concoctées pour ces 2 heures d'émission. Ça va être bien. Je pense que ça va être bien. Et je peux même vous donner un petit scoop. Le premier qui chante, c'est George Harrison. Ah oui, ben oui, pourquoi pas, c'est lui qui est à l'honneur. Parce qu'il a vu récemment le documentaire Get Back et il a dit « Ouais, ben ce serait bien qu'on m'accorde un peu plus de place, justement. » Et du coup, les trois autres ont dit « Ben vas-y, passe devant, vas-y, commence. » Bref, je vous propose de nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et ben, n'hésitez pas à en parler autour de vous. La Saga des Fab Four, c'est uniquement ici sur RIG 90.7, qui est la radio des Beatles, le mercredi entre 20h et 22h, 2 minutes à peu près, quelque chose comme ça. Tout le monde est en place. Beaucoup de monde dans le stade bordelais. Et bien, ça va commencer dans quelques secondes. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis que le premier qui commence, c'est George Harrison. C'est tout ce que je sais officiellement. A tout de suite, bonne soirée. Showtime! Ok, here we go. Right, let's go. George, Paul, John et Ringo passer devant nous. Ils se mettent en place. Comme vous l'entendez, la foule est en délire. Et c'est maintenant donc George, parce que je le savais, qui va commencer avec I Want to Tell You sur la régie, la saga des Fab Four. J'ai coupé le son sans le faire exprès, excusez-moi. Thank you. commence donc par des titres des Beatles. I Want to Tell You. Sur scène, il y a également Eric Clapton et le groupe d'Eric Clapton. C'est plutôt très très sympa d'avoir ça. Oh bah, on leur vous reconnaissez, c'est Taxman. Que quand les trois autres Beatles accordent de la place à George, ils lui donnent de la place, puisque déjà deux chansons à l'actif de George, et même une troisième, If I Needed Someone, toujours George Harrison sur RG. I guess. Monsieur. Maintenant, c'est Paul qui s'approche du micro et je vais baisser le son pour mieux vous traduire parce que c'est difficile de parler en même temps. Il dit bonjour dans un français. Oh, bon, il parle français. Bon, il parle français, mais avec sa pointe d'accent comme d'habitude. Il nous dit donc bonjour, bonne année. Et puisque Eric est là, je vous propose de chanter une chanson avec lui. Allons-y. Vous avez reconnu While My Guitar Gently Weeps. Donc apparemment Paul McCartney et Eric Clapton. Sweet. RIG 90.7, la radio des Beatles. C'est le tour de Ringo, Ringo Starr sur RIG. Garden near a cave. We would sing. swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing we're happy and we're safe. Petit bout de With a Little Help from My Friends pour présenter Ringo Starr. Mais a-t-il besoin d'être présenté? Puis un extrait, enfin plutôt une chanson, enfin de Post-Beatles et Don't Come Easy, début des années 70. Et jusqu'à l'instant, là, c'était Octopus's Garden. Vous êtes bien sur RIG. Nous sommes dans le concert de John, Paul, Ringo et George avec quelques invités de temps à autre. De toute façon, ils sont tous sur scène. Vont-ils chanter? Je n'en sais rien. On verra bien. Pour l'instant, puisqu'on parle des Beatles, il faut vous présenter le site qui vous permet de tout savoir sur les Beatles. C'est celui de Lovely Rita, du Beatles Magazine à Londres. C'est la responsable. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur beatlesmagazineuk.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur Beatles Magazine, uk.com. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. Blanquefort, quand je suis pas là, il faut arriver un peu plus vite, s'il vous plaît. Pas oublier de monter le micro. C'est toujours Ringo avec Photograph. La chanson date de 1973. RIG 90.7, la radio des Beatles. Sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. Je vous signale que Ringo vient de dire maintenant, voici notre copain depuis des années et des années et des années, Billy Preston. Ah bah, c'est lui qui va chanter My Sweet Lord, apparemment. Oh, karma's gonna get you. Gonna knock you right in the head. You better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth are you trying to do? It's up to you. Yeah, you. And some karma's gonna get you. Gonna knock you right in the face. You better get yourself together, darling. Join a human race. How in the world are you gonna see? Laughing at fools like me. Who on earth do you think you are? A superstar? Well, all right, you are. But we all shine on. Like the moon and the stars and the sun. Karma's gonna get you. It's gonna knock you right off your feet. You better recognize your brother. Is everyone you meet? Why on earth are we here? Surely not to live in pain and fear. And why on earth are you there? When you're everywhere. C'était Instant Karma, We All Shine On, en live avec Monsieur John Lennon, bien évidemment. Va-t-il rester, va-t-il continuer? Oui. J'ai pas du tout compris ce qui a été annoncé. Ah bah, Power to the People, alors. Je reconnais, c'est New York City sur RG, en live, toujours John Lennon. The Pope smokes dope every day. Up come the party. Vous êtes bien dans la saga des Fab Four numéro 518, la saga live Fab Four avec pour l'instant par groupe de trois, George Harrison trois fois, I Want to Tell You Taxman et If I Needed Someone. Il y a eu Eric Clapton encore qui a chanté avec Paul McCartney While My Guitar Gently Whips, puis Ringo Starr trois fois et demi, hein, puisque il a été annoncé par With a Little Help from My Friends, un petit bout, puis It Don't Come Easy, Octopus's Garden et Photograph. Billy Preston est venu nous chanter My Sweet Lord et Lennon, à l'instant, nous a fait trois chansons, Instant Karma, We All Shine On, New York City et Come Together. La suite, c'est dans quelques instants, mais auparavant, un message de la radio. Votre radio locale érigée a le don d'émettre depuis plus de 40 ans. Merci à tous les donateurs qui, en 2021, ont contribué à financer le remplacement de notre antenne. Grâce à vous, nous pouvons continuer nos émissions. Aujourd'hui, notre équilibre financier reste fragile. Érigée est une radio associative non commerciale, ne réalisant aucun bénéfice. Vous pouvez encore nous soutenir par vos dons et ainsi aider Érigée à vous proposer un programme de proximité, varié et de qualité. Notez qu'une attestation fiscale vous sera fournie afin de déduire de vos impôts la majeure partie de votre don. Contactez-nous par mail. Direction@erigfm.fr. Direction@erigfm.fr. Stade. Et c'est Jeff Lynne, grand copain d'Harrison, qui va chanter. Give me love, give me peace on earth, le succès de l'année 73 de George. Jeffline qui est copieusement applaudi par le public. Merci Jeff, merci pour cette camaraderie avec George Harrison. Il fallait ça. Ah, voici que Paul McCartney se met au piano. Ce Let It Be, bien sûr. Let it be. compris, c'est une version live qu'on nous propose, puisque nous sommes au concert de John, Paul, Ringo, George et quelques invités ici à Bordeaux. Quelle chance on a! C'est toujours Paul qui garde le lead, si on veut. Vous allez pouvoir monter le son, c'est Venus and Mars, Rock Show et Jet à la suite. 10 minutes de McCartney à fond. saga des Fab Four en live, c'est sur RIG 90.7, la radio des Beatles. How you feeling? Feeling all right? Yeah, bah bien sûr. Maybe I'm amazed. McCartney est très en voix ce soir. Maybe I'm amazed at the way I really need you. Paul McCartney qui a le droit à ses trois chansons, même s'il triche un peu. Et voici la dernière. Celle-ci, je pense qu'on va pouvoir la hurler tous ensemble, où que nous soyons. C'est Silly Love Songs. Montez le son. RIG, c'est la radio des Beatles. Tonight.

en direct avec le concert retransmis sur les ondes de RIG 90.7 ou www.rigfm.fr. Là, vous devinez, c'est Good Night Tonight, Paul McCartney et ses copains. We'll be right back. peu près 30 minutes, ce sera Eric et son formidable Johnny de A à Z. Mais pour l'instant, on continue le concert de John Paul, Ringo, George et quelques invités avec Moon of Kintyre sur la RG. With valleys of green, last painted deserts, the sun sets on fire as he carries me on to the mud. Preston revient sur le devant de la scène pour nous interpréter sans doute une chanson de George. Oh oui, Isn't It a Pity sur RG. Oui, avec un petit bout d'Eric Clapton aussi, vous avez entendu. Ringo Starr. Oui, Ringo Starr, une dernière fois sans doute, puisque je pense qu'on va finir avec notre pote Paul McCartney, certainement. Don't go where the roads don't go, c'est Ringo Starr sur la régie. Passe vite dans à peu près un quart d'heure, il y aura Eric et son fameux Johnny de A à Z. Et à mon avis, ce sera très très bien. Mais pour l'instant, c'est encore la fin du concert avec Live and Let Die. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changed, When you got a job to do, you gotta do it well. You got to give me all of your standing with a bootleg in your hand. Encore? Allez, encore. Un dernier bon rock avant de s'en aller. ça passe vite. Merci d'avoir écouté cette édition live de la Saguenay Fan Foire. Et je sais que ça va être très très bien dans quelques instants, puisque ce sera Eric que j'appelle le maître. À très très bientôt. Salut, ciao.